Les amis du grain des mots. Des auteurs, des éditeurs, des traducteurs, des lecteurs, des lectrices, des rencontres et des livres, les amis du grain des mots. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Radio Clapas 93.5 avec les amis du Grain des Mots, les amis de la librairie du Grain des Mots à Montpellier. Bonjour Marc. Bonjour. Tu vas nous parler d'un auteur que personnellement je n'ai jamais lu, d'où l'intérêt à t'entendre. Cet auteur c'est Marc Woltenhauer pour un polar. Pour un polar, exactement, un polar qui s'appelle « Qui a tué Heidi ?». Alors, ce qui peut surprendre, bon, un auteur de polar, ça existe, il y en a beaucoup. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, il y a même des pays qui se sont fait une spécialité du polar, hein. Il y a une grande tradition de polar suédois notamment. Et bien là, c'est un auteur suisse. Alors la Suisse n'est pas forcément un pays qu'on associe au polar ou même au roman policier ou de façon générale. Effectivement. Ouais. Voilà, je l'avais déjà évoqué dans de précédentes émissions en disant que j'y reviendrai. Voilà, ben nous y revenons aujourd'hui. Marc Woltenhauer, donc deuxième roman policier qu'il publie. On va dire roman policier plutôt que polar, parce que c'est bien du côté du whodunit, comme on appelle ça, c'est-à-dire il y a une énigme et puis qui a commis le crime. Hein, mais très bien fait. Marc Woltenhauer, nous allons lui demander d'en parler lui-même, parce que ce roman est sorti tout fraîchement, là, depuis la rentrée. Et j'ai pu rencontrer Marc Woltenhauer à l'occasion de la présentation publique de son roman en Suisse, dans le village où ça se passe. Il se trouve que c'est un village que je connais bien pour y avoir passé pas mal de vacances étant enfant. Grillon, un petit village dans les Alpes vaudoises. Donc je l'ai rencontré fin août à l'occasion de cette présentation. Un entretien qui s'est passé sur la... Vous l'entendrez au début de l'entretien, sur la terrasse du buffet de la gare. Alors je le dis avec une intonation vaudoise, hein, avec les montagnes en face de nous, magnifique paysage, et autour de deux bonnes tasses de renversé. Alors c'est quoi un renversé? C'est un café au lait dans lequel il y a plus de lait que de café. Ça m'arrive de faire un renversé, mais je ne fais pas exprès. Voilà. Donc en dégustant ces deux cafés au lait, Marc Woltenhauer m'a accorder cet entretien autour de son nouveau roman et puis du précédent un petit peu, on parle des deux, et du polar en Suisse romande. Un roman qui s'intitule, rappelons-le, « Qui a tué Heidi ?» Qui a tué Heidi ? Comme la petite Heidi de Yona Spiri. Mais vous allez voir, j'en dis pas plus. Bonjour Marc Woltenhauer. Bonjour. Nous voilà, si je puis dire, sur les lieux du crime, presque. Oui, absolument. Sur les lieux des crimes. Oui, mais effectivement, il y en a plusieurs entre ceux du dragon, du Muvron et ceux d'Heidi. Ça fait beaucoup de morts à Grillon en peu de temps. Oui, effectivement. Oui, c'est un village où il se passe beaucoup de choses. Sinon, en général, un village très calme, il y a quand même quelques crimes sordides qui s'y passent. Voilà, alors là, donc là, on est à la terrasse du buffet de la gare, qui est un peu une des institutions du village. Oui, c'est une institution du village, et puis on le retrouve forcément dans le livre. Plusieurs personnages y ont leurs habitudes, et puis c'est aussi un endroit magnifique, parce qu'on a la vue sur le grand Muvron, depuis ici. Voilà, on a vu sur les deux, le grand et le petit. Muvron, on a vu sur l'Argentine aussi, voilà. Plus loin, derrière moi, il y a les Dents du Midi. Exactement, voilà. Un magnifique panorama. Un panorama assez extraordinaire. Village très touristique, village tranquille. Mm-hmm. Beaucoup de monde. Enfin, moi, je le connaissais il y a quelques années. Je me suis dit, oula, qu'est-ce que ça s'est construit depuis? Oui, ça On voit sûr. Des chalets partout. Ouais, ouais. Hein? Alors, Vous êtes installé, d'après ce que j'ai compris, à Grillon, pas depuis si longtemps. Non, ça qu'est-ce fait qui une vous a d'années. Rendu grillonnais et qu'est-ce qui fait comment vous êtes devenu, parce que vous n'êtes pas suisse d'origine, d'après ce que j'ai compris aussi. Tout qu'est-ce qui vous a rendu écrivain suisse installé à Grillon? Alors à la base, je suis né en Suisse, donc on va dire je suis quasiment suisse. Mon père est allemand, ma mère suédoise. Mais Grillon, je l'ai découvert grâce à mon ami, il y a une dizaine d'années en arrière, qui est Benjamin, qui est originaire de Grillon. Et puis j'ai tout de suite eu un coup de cœur pour cet endroit, pour l'atmosphère qu'il y a, encore de petits villages de montagne. Donc vraiment un coup de cœur dès le départ. Et puis quelques années après, ça a aussi été une illumination en me disant mais c'est l'endroit idéal, il y a tous les ingrédients nécessaires pour y commettre quelques crimes et y installer des intrigues policières. Oui, on imagine plutôt toujours le polar, le roman policier comme un genre urbain. Mmh. Là, vous en faites délibérément un genre montagnard. Je ne sais pas si ça s'était déjà fait. On va revenir un tout petit peu sur votre formation, si vous voulez bien. Alors, ce qui peut surprendre les lecteurs, c'est se dire comment on passe au polar en venant d'études de théologie. En même temps, moi, je ne trouve pas ça tellement surprenant, parce que en tant que pasteur, étudiant en théologie, le centre, c'est quand même le bien et le mal. Ouais. C'est quand même les tentations humaines et tout. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans un roman policier, dans un polar? On parle de ça aussi. Exactement, on creuse, on sonde l'âme humaine et puis ses côtés à la fois d'ombre et de lumière. Et c'est vrai que pour moi, c'est un élément qui est important, que je dise beaucoup dans les livres. J'essaye de donner de la profondeur aux personnages et puis faire aussi en sorte que ces personnages se confrontent à des questions existentielles et puis qu'on puisse les suivre dans leurs réflexions sur ce qui leur arrive ou sur ce qu'ils peuvent observer autour d'eux dans cet environnement. Donc il y a des questions comme la vengeance, la culpabilité, et ça qui m'intéresse. À la base, quand je voulais devenir pasteur, je pense un des éléments importants aussi pour moi, à part le côté spirituel, était aussi la dimension humaine, la dimension psychologique. Et c'est peut-être ça qu'on retrouve aussi au final dans mes livres. Et puis, pour moi, il n'y a jamais que le bien ou le mal, ni noir ni blanc. Il y a beaucoup de zones d'ombre, de zones de gris. Et j'aime bien, dans mes livres, naviguer là autour, pas que les choses soient trop simples à classer, mais que ça invite le lecteur aussi peut-être à se poser des questions sur tout ça. Oui, puis dans Le Dragon du Muvran, vous êtes allé fort pour le premier. C'est carrément une pasteur qui est pas si innocente que ça. Donc c'est même les pasteurs sont pas parfaits et peuvent pencher du mauvais côté parfois. Absolument. Alors ça c'est la formation, si je puis dire, philosophique. Il y a une formation littéraire aussi, alors qui est la lecture. Il y a un grand écrivain catalan, Jaume Cabré, qui disait tout auteur est d'abord un lecteur. Tout lecteur ne fait pas un auteur pour autant. Non, alors j'étais un grand lecteur de polar, principalement de polar nordique, que je lis volontiers aussi en suédois, puisque c'est ma langue maternelle. Ouais. Et ça a sans doute été, je pense, un déclencheur ou du moins une source d'inspiration. Souvent, ces polars nordiques se passent aussi dans des endroits un peu à huis clos. Il y a le côté rural, si on prend Camilla Läckberg, on est dans un petit village de pêcheurs, avec tout ce que ça comporte, avec ses habitants, son atmosphère, sa culture. Alors bien sûr, il y a aussi des polars comme Joe Nesbø qui se passe plutôt dans un contexte urbain, mais tous ces polars plutôt ruraux ou terroirs, ça m'a beaucoup parlé, puis c'est ça que j'ai retrouvé à Grillon. Et tout au début, je ne m'étais jamais imaginé moi-même écrire. J'étais un grand lecteur. Et ce qui s'est passé, on est parti faire un voyage avec mon ami Benjamin autour du monde. En revenant, on est resté 4-5 mois ici à Grillon. Et tout d'un coup, j'ai une idée de scénario. Je me suis dit, ben voilà, Grillon est parfait comme contexte pour y inscrire un polar. Et c'est comme ça que ça a démarré. D'accord, tout d'un coup, une subite envie, il n'y avait pas de vocation a priori, et de se dire, tiens, je vis dans un endroit qui pourrait être un décor de polar, Et puis ça y est, ça suffit à déclencher l'envie d'écriture. C'est venu du jour au lendemain. Alors peut-être que ça a cheminé ou ça a mûri quelque part en arrière-plan, quand, surtout lors de ce voyage autour du monde, j'ai énormément lu. Je crois qu'à un moment donné, je me suis dit, mais ça va être sympa d'écrire un peu l'art. Je ne m'en sentais pas vraiment capable. Et d'abord, j'ai eu les idées. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais avec ce scénario que j'ai maintenant mis sur papier? Je me dis, bah, bon, j'essaie, je me lance. Et c'était ma plus grande surprise, c'était de voir que les mots sortaient de manière assez naturelle, finalement. Bien sûr, après coup, j'ai dû retravailler les textes. L'écriture, au final, je me suis rendu compte, c'est aussi un entraînement. Il faut y travailler. Il faut recorriger, etc. Mais très vite, j'étais vraiment pris là-dedans et je n'ai pas pu m'arrêter. Alors, qu'est-ce qui vous attire le plus pour vous? C'est le jeu de construction de l'énigme. Et chez vous, elles sont compliquées, elles sont tarabiscotées. Bon, c'est le lecteur sur je ne sais combien de fausses pistes, comme ça, sur les pas de son enquêteur. Est-ce que c'est les personnages? Parce que vous disiez tout à l'heure l'importance aussi des personnages. Et vous avez campé un personnage d'inspecteur, hein, Andreas Auer, qui a des particularités, on ne sait pas encore tout sur lui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Vous nous avez soigneusement annoncé le prochain roman. On est resté en suspens à la fin du deuxième roman, on attend des révélations. Et puis son compagnon aussi, Michael, et puis tout un tas d'autres personnages autour. Est-ce que c'est le style de l'écriture? Qu'est-ce qui vous intéresse vous titille le plus dans ce travail-là? Pour moi, c'est un tout. Je pense au tout début, il y a pour moi vraiment l'idée de construire l'intrigue. J'ai toujours été un fan de romans policiers, de films policiers. J'aime le suspense. Donc je suis d'abord un lecteur, et même quand j'écris, je dis souvent, je suis moi-même mon premier lecteur, et j'ai envie de voir comment mon histoire va se construire. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'avancer dans cette écriture, pour voir comment finalement tout ça va prendre corps. Et avec le temps, je pense que j'ai vraiment appris à aimer l'écriture. Et j'ai envie, au fur et à mesure aussi, encore d'apprendre, de m'entraîner à l'écriture pour essayer de l'améliorer. Et là aussi, j'ai trouvé un énorme intérêt aussi de travailler sur le style, sur les formulations. Donc c'est vraiment un tout. Mais peut-être à la toute base, ce qui est venu en premier, c'est quand même cette envie de raconter une intrigue. Avec des situations. Alors oui, il y a une situation. Alors, je ne sais pas si ça a été une influence pour vous. Dans le roman qui est en train de paraître, puisqu'il est sorti ici, il y a eu la présentation il y a deux jours. Il va sortir en France dans quelques jours. Tout à fait. Hein, la scène où on a l'Itso Ice, donc que vous avez lu l'autre jour, qui est un tueur qui vient de Russie, un tueur à gages qui vient de Russie, et puis qui va éliminer des personnes au Staatsoper de Vienne, celui de Berlin. Moi, ça m'a fait penser, je me suis dit, mais tiens, Hitchcock, aussi on a une scène d'opéra avec un meurtre qui doit avoir lieu. Alors, est-ce que le cinéma vous a influencé un petit peu ou pas? Alors, en tout cas, pas directement. Maintenant que vous en parlez, je me rappelle de cette scène. Le cinéma m'influence beaucoup. D'ailleurs, il y a quelques petites références cinématographiques aussi dans le livre. Ce qui est intéressant, des fois, dans la créativité, c'est que des fois, on est très conscient de certaines images ou idées qu'on a pu recueillir par-ci, par-là. Et puis des fois, c'est très inconscient. Notamment cette histoire d'opéra à Berlin, elle m'est venue comme ça, sans que je fasse référence à quoi que ce soit, mais peut-être que c'était quelque chose qui était enfoui et qui ressort de cette manière. Oui, c'est pas forcément c'est plus peut-être une réminiscence, mais pas une citation directe. Voilà, tout à fait. Par contre, dans ce type d'exemple, il y a un autre film auquel j'ai donné une petite place, c'est aussi une sorte d'hommage, c'est Le silence des agneaux, je l'ai intégré dans le récit de manière tout à fait consciente et voulue. Voilà, alors on laissera au lecteur de retrouver la scène de référence, la séquence de référence. « Ah, certes, en compagnie des Stones, parce qu'il s'agit bien des Stones, c'est bien Mick Jagger que vous avez entendu chanter. Nous sommes certainement un peu loin d'une sérénité helvète. Ah, c'est, je rigolais en entendant la musique que tu as proposée. Et tu me contactais une bande-son spéciale roman noir. Mais alors, on est, mais l'écart de climat est assez radical. Voilà. Le titre de ce blues que les Stones ont repris tout à fait récemment dans un album qui s'intitule Blue and Lonesome, c'est tout simplement « Commit a Crime ». Voilà. Ben alors, en même temps, j'en profite, je dis ça pour te dire quelques mots, parce que j'ai présenté l'auteur, mais j'ai pas dit grand-chose de ce roman. Et c'est vrai que là, le contraste dans lequel on s'est inscrit entre l'entretien et puis la musique, entre le climat de l'entretien et puis la musique, ben c'est un petit peu le fond du récit, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans un village, mais alors paisible au possible. Et puis, ben n'empêche qu'il y a des crimes. Il va y avoir deux mondes qui vont se télescoper un petit peu. On a notamment... j'ai pas évoqué la trame du récit. On dirait juste quelques mots. On va avoir... dans ce village très paisible, une série de meurtres. Et on va savoir qu'il y a aussi un personnage, il y a des meurtres qui se commettent à Berlin, ça navigue un petit peu à travers l'Europe. Et notamment, on va avoir un tueur à gages, Lizzo Ice, c'est son surnom, qui est vraiment quelque chose du côté un peu genre espion qui venait du froid, très méthodique, très froid, c'est le cas de le dire. Et qui est un tueur à gages. Alors, quel est le lien entre ce tueur à gages et le village de Grillon? Qui est Heidi? Pourquoi Heidi va être tué? Et qui a bien pu tuer Heidi? Tout ça, c'est ce que va essayer de démêler l'inspecteur qu'a inventé un petit peu à son image et à l'image du village, qu'a inventé Mark Woltenhauer, son inspecteur Andreas Hauer. Voilà. Donc c'était juste un petit peu pour donner le climat du roman. Et puis, oui, il y a bien cette violence. Commit a crime, il y a bien du crime à un endroit où on l'attendrait, mais alors pas du tout. Suite de notre entretien avec Marc Woltenhauer, toujours à la terrasse du buffet de la gare de Grillon. Alors le travail de l'écriture, vous dites, bon, c'est venu un peu tout seul comme ça, vous avez été surpris avec le premier, donc le Dragon du Muvran, que ça venait, et puis bon, il y a eu du retravail derrière. Et puis en lisant le deuxième, je me suis dit, oula, il y a eu un gros travail sur l'écriture qui s'est resserré, surtout sur les premiers chapitres, c'est très sensible, une écriture qui s'est resserrée, épurée, qui cherche une précision très forte. Alors, vous avez mené ce travail pas tout seul, ce qui n'est pas très courant en littérature comme ça, à part, bon, on a des auteurs qui écrivent ensemble, je pensais à... Justement, on a eu plusieurs duos suédois, notamment d'auteurs de romans policiers. Alors, j'ai plus les noms m'échappent. Il y a Lars Kepler, notamment, qui écrivent en duo. Voilà, et puis il y a eu Axel Sund aussi, il me semble. Ils sont en duo. Oui, il y en a plusieurs, il me revient. Voilà, il y a deux, trois comme ça, duos d'écrivains de polar suédois. Alors là, vous avez travaillé avec une auteure suisse. Tout à fait. Alors, c'est d'abord... Qu'on ne connaît pas encore en France. Pas encore. Alors, j'espère aussi que le public français pourra la connaître, la découvrir. C'est Marie Javet qui a écrit un premier roman à suspense qui s'appelle « La petite fille dans le miroir ». Et on a eu l'idée assez vite quand on commençait chacun à travailler sur notre manuscrit, elle sur son deuxième, moi aussi sur mon deuxième, donc « Qui a tué Heidi ?». Et tout au long en fait, du processus de l'écriture, on s'échangeait nos chapitres respectifs, on faisait des commentaires, on corrigeait, on raturait. Notamment un exercice que je trouve très très difficile, c'est de se censurer soi-même quand on se laisse aller à écrire un peu trop et à d'avoir ce regard extérieur. Il y a le passage qu'on... Oh non, je veux pas le supprimer. Voilà, oui, des fois c'est un peu un crève-cœur, mais c'est un passage presque obligé. Et surtout aussi très intéressant au niveau du style. Marie Javet écrit vraiment très très bien, et puis quand elle me rature mes manuscrits, j'apprends énormément aussi, et ensuite c'est des éléments que je peux intégrer moi-même dans l'écriture, mais c'est vraiment un échange. Et puis ça ne s'arrête pas seulement à la question de l'écriture elle-même, mais on échange aussi un peu sur nos idées, nos scénarios. Il y a des moments où on est peut-être bloqué, on ne sait plus tellement sur tel point comment avancer, puis peut-être que l'autre, dans la discussion, va amener une idée ou aider l'autre à débloquer quelque chose. Et du coup, ce n'est plus un travail tellement solitaire, mais c'est un travail sous forme d'échange, et c'est très enrichissant comme expérience. Et c'est vraiment dans la construction du récit et de l'écriture. C'est pas sur la version finale que tout d'un coup, enfin presque une version finale. Non, c'est tout au long du processus. Et puis chacun a son manuscrit, chacun a son histoire à écrire, mais ça permet d'avoir un retour, un miroir qui renvoie certaines images tout au long du processus. Donc ça permet aussi tout au long d'adapter, de corriger, et c'est très intéressant. Alors, vos romans, moi ce qui m'a amusé aussi, c'est, si je puis dire, ça peut paraître surprenant, ce sont les titres. Je me suis dit le Dragon du Muvran. Bon, alors on peut s'imaginer un roman de fantasy, je ne sais pas quoi. On verra pas un seul dragon dans le roman d'ailleurs. Mais même, je voyais des lycées, enfin des élèves là, qui ont travaillé, qui ont fait une exposition autour du roman. Et bon, on voit l'histoire du dragon, sauf qu'il n'y a pas de dragon dans le roman. Ouais. Et puis qui a tué Heidi, bien sûr, un clin d'œil à un grand classique de la. Littérature suisse. Et là, pareil, il s'agira d'une toute autre Heidi, c'est pas celle qu'on imagine. C'est une volonté, comment ça vous vient, ces titres? C'est vraiment un esprit de jeu comme ça, ou c'est pour tromper le lecteur? Au tout début, le Dragon du Muvran, le titre, il m'est venu avant de commencer à écrire, parce qu'il fait référence à une légende locale qui raconte justement que au-dessus du Muvran, quand le soleil se couche, un dragon se réveille et puis il vole autour des montagnes, il crache des flammes de feu, et du coup les montagnes deviennent roses, oranges et rouges. C'est vrai, j'ai le souvenir d'avoir vu ça sur des couchers de soleil. Absolument. Le Muvran est vraiment de une couleur étonnante. Absolument. Et du coup, ben, j'avais ce titre-là jusqu'à la fin de l'écriture du premier. Puis après, à un moment donné, je me suis posé une question en disant, est-ce que c'est un bon titre pour un polar ? Puis j'ai essayé de trouver d'autres titres, mais après, finalement, je suis très vite revenu à mon idée de départ. Ça fait pas très polar, mais en même temps, ça fait référence à la région. Et puis le Muvron est une montagne qui est très connue de beaucoup de Suisses. Pour moi, du coup, c'est aussi cette idée d'ancrage local qu'on retrouve aussi avec Qui as-tu Heidi. Qui as-tu Heidi, il y a aussi un jeu de mots, mais c'est pas tout à fait un jeu de mots parce que la question que le lecteur découvrira, c'est peut-être pas qui as-tu Heidi, mais qui est Heidi. Qui est Heidi, absolument. On ne veut surtout pas le dire. Qui est Heidi, oui, parce que c'est au début, on se demande c'est quoi cette histoire de Heidi. Alors. Le premier roman était très autour de psychologique. Il y avait quelque chose de très psychologique autour des relations entre les personnages, une histoire de vengeance cachée qui remonte progressivement. Mais il y avait quelque chose du clos. Bon, il y a un personnage qui revient, mais qui est à New York, qui revient à Grillon. Bon, on ne va pas en dire plus. Donc, mais c'était vraiment grillonnais, si j'ai envie de dire. Grillonnais, oui. Quoi. Oui, hein, tout à fait. Et alors là, dans Qui as-tu Heidi, on voyage, si je puis dire. Mm-hmm. Là, on évoquait Berlin tout à l'heure. Bon, on va tourner autour de Grillon, mais on va jusqu'en Russie. Pourquoi cette volonté ? On avait un Grillon isolé, et puis là, tout d'un coup, on a un Grillon connecté, mondialisé, on veut dire. Dans le Dragon du Muvron, il y avait la construction était sur une histoire dans le passé. Et puis le lecteur évolue avec, en même temps dans cette histoire dans le passé et dans l'actualité. Aussi pour apprendre à connaître ce personnage qui était l'homme qui n'était pas un meurtrier et puis au fur et à mesure découvrir quelles sont les raisons qui l'a amené à accomplir cette vengeance. Dans le deuxième, j'ai voulu changer un peu d'approche et puis il y avait deux intrigues, une qui est quand même encore plus locale, qui est toujours locale à Grillon, et puis l'autre où il y a un élément extérieur qui vient. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que Village, c'est un petit village de montagne, un petit microcosme, une sorte de huis clos, mais pas complètement. On n'est pas dans les dix petits nègres où vraiment il n'y a aucune influence extérieure. Et là, je trouve intéressant aussi d'amener un élément extérieur qui, a priori, n'a rien à voir ici. Oui, et puis alors, en me baladant un peu ces jours-ci dans Grillon, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a... Bon, il y a le village traditionnel qu'on sent, qui est encore là. Je ne sais pas s'il reste beaucoup, beaucoup de vieilles familles grillonnaises. Il doit en rester quand même quelques-unes. Et puis, en même temps, par rapport à Heidi, je me suis dit, mais je n'ai jamais vu une telle concentration de voitures de luxe en si peu de temps. Donc, c'est un lieu où il y a de l'argent aussi. Il y a beaucoup d'argent qui circule autour. Et ça va être un des nœuds de l'intrigue de Heidi. Donc, Absolument, c'est une réalité à Grillon, mais aussi dans toutes les Alpes en Suisse. À Grillon, il y a à peu près 1200 personnes qui vivent l'année. Dans les périodes de vacances ou de ski très fortes, on arrive à peu près 7000 personnes à Grillon. Donc il y a énormément de résidences secondaires. Oui, j'avais lu quelque part, il y a 80% des chalets qui sont des résidences secondaires, voilà, c'est ça ? Exactement. Donc il y a certaines périodes où il y a énormément de chalets où on ne voit pas de lumière, et puis tout d'un coup à Noël, tous les chalets sont illuminés. Et il y a beaucoup de gens qui viennent soit de Suisse, mais il y a aussi des Anglais, des Russes, des Belges. Il y a un côté tout d'un coup un peu plus international. Et c'est une vraie réalité aussi qu'il y a eu un boom immobilier pendant pas mal d'années qui a été stoppé maintenant avec une loi qui limite ce pourcentage de résidences secondaires pour éviter que ça continue d'augmenter. Oui, parce que c'est assez impressionnant. Je veux dire, moi, qui ai connu le village il y a nombreuses années, il y a des coins, je me dis, mais c'est... Mais Grillon reste en même temps encore assez traditionnel. Le village lui-même n'a pas beaucoup changé. Et c'est aussi ça que j'aime beaucoup dans cet endroit, c'est qu'il y a encore une âme qui est là, dans ce village. Il n'a pas été transformé. Et c'est toujours quelque chose de très vivant. dress for your dressing. Go to Dallas to have your style. Where you wanna go to the penitentiary? The hood is on him. Go to Grown Bay to have you try. Yeah, you know I hung around Grown Bay. I working hard, shout of rain. I didn't feel a little bit uneasy, uneasy, don't have me. Till I caught that penitentiary bound train. Yeah, you know my mama called me more than a handsome man. Yes, yeah, son, you taught her working, working, don't have me. I said, Mama, yes, I am. Yeah, you know my papa called me more than a house is done. He said, son, if you taught her working, working, Lord, help me, what the hell you gonna stay there for? Your mama, Lord, no, been up chips on your grandma's phone. I said, Grandma, they got a dog named Rattler. I swear she's a water dog. You know that fool can swim Bragg's Lake River. Swear she can walk a foot long. Eh bien, c'était Lightning Hopkins. C'est un titre extrait d'un album qui s'intitule Dirty House Blues. Ce titre, c'est le blues du pénitencier. Alors, je précise quand même pour nos auditeurs, Lightning Hopkins n'était pas un musicien suisse. Non, qu'on se le dise. Mais pourtant, dans le roman. Qui a tué Eddie, il va y avoir une scène qui se passe dans une prison, puisque l'enquêteur va devoir aller chercher des témoignages au cœur d'une prison suisse. C'est pas un pénitencier américain. Mais le climat du blues, on pourrait très bien imaginer Lightning Hopkins en train de jouer sur une terrasse, devant un chalet, avec la nature à ses pieds. Pourquoi pas? Pas de champ de coton, mais des prairies avec des vaches. Voilà. Allez, suite de notre entretien et de notre rencontre avec Marc Foltenhauer. Vous êtes lancé dans le polar, et puis je découvre qu'il semblerait qu'il se passe quelque chose dans la littérature suisse romande. Alors, est-ce que je me trompe? Où il y a une émergence du polar, d'un polar roman? Est-ce qu'on pourrait dire ça? Il y a votre ami, je crois que vous êtes lié, Nicolas Feuze. Oui, tout à fait, absolument. Qui est procureur, je crois, à Neuchâtel, exactement. C'est ça, et qui a dû écrire une dizaine de romans à peu près déjà. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a, je ne suis pas sûr qu'il y ait une émergence. Il y a un certain nombre d'auteurs romans qui écrivent des polars. Peut-être qu'il y a une attention plus grande de la part des lecteurs, de la presse, des libraires. Sur les auteurs romans qui n'avaient peut-être pas avant. Ça, on le ressent, je trouve. Il y a aussi de plus en plus d'événements littéraires qui s'organisent autour du polar, mais aussi autour d'autres. Oui, comme Lausanne Noir, par exemple. Comme Lausanne Noir. Qui va avoir lieu. La deuxième édition va avoir lieu dans quelques jours. Exactement. Mais il y a vraiment beaucoup d'auteurs romans. Il y a aussi une belle qualité de littéraire romande. Peut-être simplement qu'elle est plus mise en lumière aujourd'hui qu'il y a quelques années en arrière. Puis c'était peut-être beaucoup de littérature blanche. Enfin, quand on parle d'ici, il y a bien sûr l'ombre de Ramu gigantesque, absolument, si je puis dire. Ouais. Donc c'est compliqué d'être, si vous allez en France, c'est compliqué d'être auteur suisse, de se faire reconnaître comme auteur roman. Je pense que le passage de la petite Suisse romande vers la France n'est pas évident parce que en France, quand on voit le nombre de livres qui sortent à chaque rentrée littéraire, c'est du 500 à peu près. Voilà, plus donc ou moins, c'est assez difficile de pour se faire une petite place, c'est pas facile. Petite place là-dedans, mais peut-être que au fur et à mesure, il y a déjà eu Joël Dicker qui a quand même réussi à franchir le cap. Il y a un Martin Souter qui est aussi. Donc on verra. Peut-être que on arrive à se faire une petite place aussi chez les lecteurs français. Ça c'est intéressant aussi. Les auditeurs ne connaissent pas forcément cet aspect du travail de l'écrivain. On imagine toujours un travail solitaire. Bon, on se doute qu'il y a de la relecture, de la réécriture. Là c'est le travail avec l'éditeur un petit peu. Donc vous aviez été dans un premier temps pour le Dragon du Muvant édité par un éditeur suisse qui n'est tout pas distribué fait. En France. Exactement. Qui accepte, je dirais, qui joue le jeu des premiers romans. Tout à fait. Plaisir de lire. Et puis là, vous êtes embarqué dans une aventure avec un. Alors, est-ce qu'on va dire que c'est un nouvel éditeur ? Pas vraiment, mais pourtant si. Oui, c'est Slatkin et compagnie qui a démarré en France il y a un peu moins de 2 ans. Ouais. Y a un lien avec la Suisse, puisque Slatkin et compagnie appartient à Slatkin à Genève. Qui est mais... un éditeur extrêmement prestigieux. Absolument. Peut-être pas grand public, mais très très prestigieux. Tout à fait. Et puis eux, ils ont voulu créer cette maison d'édition parisienne, justement pour pouvoir être présent directement sur le marché français. Il n'y a pas que des auteurs suisses chez Slatkin et compagnie, il y a aussi Luca Di Fulvio qui est très connu, il y a quelques auteurs allemands. Mais, je suis en train de lire la bibliographie de Duke Ellington qu'ils ont édité aussi. Tout à fait. Donc il y a différents types d'ouvrages, mais leur idée aussi c'est de chaque année de pouvoir faire connaître un ou deux auteurs suisses au public français. Faire découvrir, voilà. Bon, on espère que ça va marcher. C'est une toute petite équipe, d'après ce que j'ai compris aujourd'hui. C'est une toute petite équipe, mais vraiment très professionnelle, très efficace et un énorme soutien justement pour aider à être présent en dehors de la Suisse. On parle beaucoup de la littérature, du roman des lecteurs, mais là, il s'est passé des choses comme ça, que vous avez organisé ou qui ont été organisées indépendamment de vous. Une classe de... Alors, je ne sais pas comment on dit en Suisse. Enfin, nous, on appellerait ça lycée en France. Oui. Une classe de lycée qui a fait un travail assez extraordinaire, pédagogiquement, j'ai envie de dire, chapeau aux enseignants qui ont fait ça autour du Dragon du Muvrant. Et puis, il y a des randonnées que vous organisez, des balades que vous organisez autour de Grillon pour justement la découverte des lieux. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces deux initiatives qui sont... la littérature, c'est aussi ça, quoi. Ça peut être aussi ça. Alors pour commencer avec cette école, un des professeurs m'avait contacté en disant « Je vais lire le Dragon du Muvrant en classe avec des élèves qui ont entre 15 et 18 ans et qui étaient par ailleurs des élèves qui ne lisaient vraiment pas beaucoup. Donc c'était le prof s'est lancé dans une grande aventure et puis ensuite ils ont décidé de venir sur les lieux faire un reportage, faire une exposition en 3D dont le rendu est absolument extraordinaire. Moi, ce qui m'a beaucoup touché, c'est la démarche qu'ils ont faite. Ils ont lu le livre à haute voix en classe pendant toute l'année scolaire. J'ai pu rencontrer ces élèves et c'était vraiment une très, très, très belle expérience. Et puis les balades. Un jour, l'office du tourisme et puis une guide de Grillon m'ont contacté en disant « Ah, mais on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui viennent après avoir lu le livre sur les lieux. Il faudrait qu'on organise une balade. » Et ça m'a amusé parce que j'ai aussi vu en Suède, il y a des balades à Fjällbacka, il y a des balades à Istad pour aller sur les traces de Wallander, on peut aller faire une balade à Stockholm sur les lieux de Millennium. Et puis du coup, on s'est lancé là-dedans et on a fait une dizaine de balades ce printemps. Où on commence sur les alpages, donc c'est un peu physique, c'est quand même 3-4 heures de marche, et puis au fil de la balade, il y a des lectures, discussions, donc c'est des moments qui sont aussi très enrichissants, parce que du coup on a le temps d'être avec les gens, de discuter, et puis pour un auteur d'avoir aussi des retours vraiment très très très très sympas. Oui, mais j'imagine, j'imagine. Alors, vous avez, on peut peut-être dire quelques mots de vos personnages centraux. Mmh, volontiers. Hein, alors, bon, commençons par le personnage central, Andreas Auer. Quand on a des échos, on se dit, bon, c'est normal, un écrivain, il y a un peu de soi dans le personnage, mmh. dans un personnage récurrent comme ça. Alors, qui c'est ce Andreas Auer? Comment vous en parleriez? Alors, Andreas est un inspecteur de police qui a vécu plutôt à Lausanne, en ville, et puis qui décide à un moment donné, avec son ami, de venir s'installer à Grillon pour être un peu plus hors du monde urbain. Donc, il vit en couple avec son ami, il est homosexuel. Pour moi, c'était relativement naturel de l'imaginer de cette manière, puisque c'est aussi en partie ma réalité. Mmh. Et je pense, j'aime bien ces personnages de flics un peu alcoolos, déglingués, qu'on retrouve chez Nesbø ou Wallander, qui ont aussi des problèmes avec la gente féminine, etc. Enfin, c'est des personnages que j'aime beaucoup, un peu sombres. C'est vrai que, et puis maintenant, on a du mal à trouver des personnages d'inspecteurs dans la littérature qui soient bien morales. Ils ont tous des problèmes. Voilà. Et du coup, j'avais envie de prendre un peu ce contre-pied. Et ouais. Puis, on a affaire à Andreas, il n'est pas seul, il est avec Michael qui est journaliste. Qu'il aide beaucoup dans ses. Il aide beaucoup dans le deuxième roman qui est impliqué très très loin dans l'enquête. Tout à fait, dans le deuxième encore plus. Et pour moi, c'était prendre ce contre-pied, puis c'est un couple qui est heureux, qui vit très bien ensemble. Comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Andreas a quelques zones d'ombre qui commencent à se révéler. Mais pour moi, c'était important. J'ai eu d'ailleurs beaucoup de commentaires de lecteurs qui m'ont dit « Ah, mais ça fait du bien d'avoir deux personnages qui sont bien dans leur peau. » C'est pas souvent. Alors, là, vous dites qu'il y a des zones d'ombre. Alors, je me dis, bon, vous avez déjà le deuxième roman s'arrête sur une sonnerie de téléphone. Oui, on se doute, là, c'est sa sœur qui va lui révéler des choses, lesquelles on ne sait absolument pas pour l'instant. Vous en avez une idée précise, vous? Est-ce que vous avez déjà le scénario de ça? Parce que je vois des fois, des écrivains avancent pas à pas dans leur scénario, savent pas trop ce qui va venir. Est-ce que pour vous, le plan de ce qui va se passer, c'est déjà bien précis ou... Oui, pour le troisième, absolument. Quand j'ai écrit le premier, Le Dragon du Muvran, j'avais pas du tout la perspective en tête ni d'un deuxième ni d'un troisième. Donc là, je l'écris en tant que tel. En écrivant le deuxième, j'avais déjà le scénario et puis dans les grandes lignes du troisième. Donc j'ai intégré effectivement un certain nombre d'éléments qui préparent la suite. Et ça va s'arrêter? Vous êtes parti pour une série? Pour l'instant, je le prends un après l'autre. Un après l'autre, le deuxième vient de sortir, le troisième est en train de mûrir dans ma tête. Donc on va... de nouveau faire les choses par étapes, mais en tout cas j'aime bien l'idée pour l'instant de continuer avec ces personnages. Après on verra ce que l'avenir nous réserve. Ouais. Vous disiez donc ça a été plutôt bien accueilli, y compris le syndicat d'initiative du village qui prend ça comme argument touristique supplémentaire si je puis dire. Pourtant je me suis dit en lisant alors pas dans Le Dragon du Muvran, mais en lisant Qui a tué Heidi, je dis, vous n'êtes pas tendre avec les Grillonnais, parfois. Alors, pour moi, c'est... Oui, je pense que oui, j'ai beaucoup de tendresse pour les Grillonnais. Et puis, là, on est dans la fiction. Pour moi, c'est ce qui est important aussi dans le livre. C'est que les gens de Grillon puissent reconnaître leur village, reconnaître l'ambiance. Et puis, que ces aspects-là correspondent à la réalité. Mais même si effectivement pour un polar, il n'y a pas que des personnages sympathiques, il y a des histoires qui ne sont pas si lumineuses non plus, mais pour moi c'est aussi une forme de dommage pour ce village et cette région que j'adore. Mmh. Non, parce que je pensais qu'il y a un des personnages qui dit bon, les nouvelles se savent tellement vite ici, qui est un peu critique, quoi. C'est... Ah, bon, ça, c'est la réalité. C'est sûr que quand il y a 1200 personnes, il y a quand même, c'est quand même beaucoup plus simple de connaître un peu la On sait vite ce qui se passe chez le voisin, quoi. Oui, absolument, bien sûr. Voilà. Bien, ben, merci beaucoup, Marc Oltanauer, de nous avoir consacré ce temps. On souhaite de bonnes aventures à Eddy. Nos auditeurs ne sauront toujours par qui est Eddy. Mais il faut acheter le roman, hein, donc chez Setkin et compagnie. Parution le 6 ou le 7 septembre, c'est le ça 7 septembre, tout à 7 fait. 7 septembre. Oui, absolument. Hein. Alors, peut-être que l'émission sera diffusée après le 7 septembre, c'est même fort probable. Donc c'est déjà dans les librairies. Oui. Vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Et puis à une prochaine rencontre pour le troisième roman, peut-être. Avec plaisir. Et puis merci beaucoup, Marc, de vous être déplacé jusqu'à Grillon pour cette rencontre. Merci. Ah, c'était bien. Très volontiers. Another man, men lie about that spoonful. Some cry about that spoonful. Some die about that spoonful. Everybody fight about a spoonful. That spoon, that spoon, that spoonful. That spoon, that spoon, that Willie Dixon, un album qui s'intitule I'm the Blues, un standard, je dirais le standard des standards, qui a été repris de maintes fois par de jeunes musiciens blancs, particulièrement Eric Clapton. Il en existe plusieurs versions en public qui sont toutes très intéressantes. Et je crois qu'il a commencé à le jouer vraiment sur scène avec son trio Cream, le groupe qui était concerné à l'époque. Donc Eric Clapton l'a repris. D'autres musiciens, je disais de jeunes musiciens, l'ont repris. Je pense que Ten Years After a dû aussi jouer Spoonful. Willie Dixon, qui a écrit nombre de standards du blues. Si je vous dis The Little Red Rooster, ça c'est les Stones qui l'ont pris. You Shook Me, ça c'est Led Zeppelin qui s'en est emparé. Et ainsi de suite. Donc Willie Dixon. Spoonful. Spoonful. Voilà, ce qui nous a permis de conclure un entretien, une rencontre avec Mark Woltenhauer, donc l'auteur de Qui a tué Heidi et du précédent qui s'appelait Le Dragon du Muvran. Voilà, avec une spoonful pleine de crème fouettée, peut-être, pour le café. Bon, blague à part, Mark Woltenhauer, au moment où nous vous en parlons, au moment où nous enregistrons cette émission, nous ne pouvons pas encore savoir s'il aura obtenu le prix du Polar Roman, qui va être décerné dans deux jours, le jour où nous enregistrons ce trône. Nous sommes le 25 octobre, donc il va être attribué le 27 octobre à l'occasion du festival Lausanne Noire, qui se tient du festival de Polar du 27 au 29. Et ben, peut-être qu'il aura le prix du Polar Roman. Il fait partie des trois auteurs en lice pour ce prix, avec une auteure suisse pas distribuée en France, Marie Javet, pour la petite fille dans le miroir. Et puis par un auteur un petit peu plus connu en France, Joseph Incardona, pour Chaleur, aux éditions Finitude. Ça, c'est distribué en France. Et Joseph Incardona, il avait déjà eu le grand prix de la littérature policière en 2015 pour Derrière les panneaux, il y a des hommes. Voilà. Est-ce que j'ai un petit peu de temps? Oui, peut-être vous parler, bah, par exemple, de Chaleur, de Joseph Incardona. Alors, c'est un roman, on est dans un tout autre style. Ça se passe en Finlande. Comme quoi, vous voyez, le lien entre la Suisse et les pays scandinaves est toujours là. Ça se passe en Finlande, alors dans une Finlande qui ressemble, pour ceux qui sont amateurs, à celle des romans d'Arto Paasilinna, c'est-à-dire une Finlande bien déjantée, où on boit beaucoup d'alcool, où on est prêt à tous les excès et à toutes les folies pour passer le temps dans les longues nuits finlandaises, ou les longues journées, ça dépend des saisons. Et puis ben là, ça se passe sur quelque chose qui avait vraiment lieu. Il y a plein de concours bêtes partout, et en Finlande, il y en a pas mal. Ça se passe dans le cadre d'un concours de sauna, un championnat du monde de sauna. Il peut y avoir des champions du monde de sauna. Oui, il y a eu. Ça s'est arrêté parce que ça s'est mal terminé. Je connaissais les lanceurs de haches. Voilà. L'instrument du bûcheron, j'entends bien. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un championnat du monde de sauna? Ben, c'est une cabine de sauna chauffée, sauf qu'elle est surchauffée. D'habitude, c'est autour des 80 degrés. Là, c'est à 110 degrés. C'est un autocuiseur, quoi. Voilà, absolument. C'est le principe de la cocotte minute. On met les candidats à l'intérieur et celui qui sort en dernier a gagné. D'accord. C'est extrêmement simple. Et pour simple. Les autres, c'est cuit. Et ceux qui sortent pas, ils sont cuits, voilà. Non, mais blague à part, ça a vraiment eu lieu, ce truc complètement... Ah ouais, vraiment. Oui, oui, ça a vraiment eu lieu jusqu'en 2010. En 2010, c'est très mal terminé parce que les deux derniers candidats qui restaient, un Finlandais et un Russe, le Russe est mort. Ils étaient imbibés d'alcool, ils ont pris feu. Non, ils ne doivent pas boire, c'est interdit de boire. D'accord. Ça fait partie du règlement. Et c'est sur cet incident réel... C'est fou, ça. Que Joseph Incardona est parti écrire un roman assez déjanté, assez trash. Il y a quelque chose de Paasilinna en plus trash. On a le champion finlandais qui est une armoire à glace, qui est aussi un grand acteur de porno. Une armoire à glace au sauna. Dans un sauna. Tu nous fais fondre, Marc. Voilà. Tu nous fais fondre. J'avais pas réfléchi, je me suis rendu compte en le disant. Voilà, mais qui est aussi un acteur de porno très professionnel. Ah ben voilà. En plus. Pour l'armoire à glace. Son opposant russe est quelqu'un de tout mince, très ascétique, ancien de l'armée, qui est formé par une discipline complètement folle. Donc il y a quelque chose de complètement fou, complètement déjanté et assez trash, et en même temps il y a quelque chose de touchant, parce que ces personnages essayent d'aller au bout d'eux-mêmes. Et ils sont confrontés à une situation extrême, tenir dans un sauna à 110 degrés. La sanction, elle est radicale. S'il reste trop longtemps, ça peut être la mort, quoi. Tout simplement. Et d'ailleurs, dans les faits réels, ça a été la mort. Donc, c'est Joséphine Cardona qui a déjà écrit une dizaine de romans, deux pièces de théâtre, un recueil de nouvelles. Donc, quelqu'un qui est écrivain qui compte. C'est son dernier roman et qui s'appuie là-dessus. Il y a à la fois, je dis, il y a ce côté très trash, très qui peut déranger. On peut se dire, c'est un peu facile. Mais il y a des personnages qui vont au bout d'eux-mêmes. Et ça nous révèle peut-être que le roman noir, très souvent, c'est des personnages qui sont dans une situation extrême et qui doivent, d'une façon ou d'une autre, s'en sortir. Donc il y a quelque chose de profondément humain. Oui, c'est une forme de recherche de l'absolu. C'est dehors de farce grotesque. Ah, oui. On pourrait dire, j'allais dire, on navigue entre la scatologie et l'eschatologie, c'est-à-dire entre... Oui, le vulgaire, la merde, tout simplement. Mmh. Et puis la fin du monde, quoi. On navigue entre ces deux dimensions, donc c'est assez impressionnant. Alors, est-ce que ce sera lui, Joséphine Cardona, Marie Javet, ou Mark Waltonhauer, qui aurait eu le prix du polar roman? Vous pourrez le savoir, nous ne le savons pas encore. Voilà, donc c'était Les Amis du Grain des Mots autour du polar roman, qui est quelque chose qui semble monter petit à petit. Et pour terminer et conclure cette émission, avec la bande-son que nous a concoctée Christian, tu nous proposes... Je propose encore une fois Willie Dixon. Pourquoi encore Willie Dixon? Parce que je l'ai dit, c'est quand même un des maîtres du genre, un des créateurs essentiels. Pour un titre qui est ambigu à souhait, ça correspond très bien à ce que nous a dit Marc de ce roman intitulé Chaleur, The Little Red Rooster, mon petit coq rouge. Allez donc savoir de quoi il s'agit. Allez savoir. The hound, they begin to howl.